Laissez-moi mourir. Laissez-moi m'en aller. Essayez pas de me retenir. Enlevez-moi pas l'envie de crever. Arrêtez de me mentir. En me disant que vous me laisserez partir. Moi, ma peine, je l'ai toute pleurée. Jusqu'à m'empoisonner. Vous m'avez pris comme il m'a pris. Sans me demander la permission. C'est entre ces quatre murs qu'on réalise qu'on a peut-être perdu la raison. Tous les jours je ris en me regardant tourner. Je saute, je me parle, je crie. Jusqu'à temps qu'on me lit. Je reste dans ma vie. Eux autres appellent ça la folie. Ils trouveront ça moins fou. Quand je m'oublierai avant qu'ils m'oublient. Vous m'avez pris comme ils m'ont pris. Sans me demander la permission. C'est entre ces quatre murs qu'on réalise qu'on a peut-être perdu la raison. Laissez-moi mourir. Laissez-moi m'en aller. Essayez pas de me retenir. Enlevez-moi pas l'envie de crever. Vous m'avez pris. Comme il m'a pris, sans me demander la permission. C'est entre ces quatre murs qu'on réalise qu'on a peut-être perdu la vie.